Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. Ok. C'est parti. Hey, salut Lynn. Salut Alessandra. Hey, dis donc, t'es bien loin là pour le coup. Ouais, Californie. Waouh, la classe. Et alors, tu viens de te lever, j'imagine. Ouais, il est 8h13. Chez toi, il est quelle heure? Chez moi, il est 17h13. Oh, nice. Bientôt l'heure de la bière, et pour toi celle du café. Ouais, j'en ai déjà bu deux là. Montez en forme alors. Mais alors, quatrième enregistrement. C'est parti. Et on va commencer par faire juste quelques rectifications sur la pilule du lendemain, dont on avait discuté pendant le dernier pod. Donc moi j'avais dit, enfin en fait on avait dit qu'il y a deux pilules en Suisse. La Norlevo, qui est disponible depuis 2002 et sans ordonnance. Et puis, depuis 2015, il y a la Ellawan. Et en fait, ce que j'avais dit, c'est que la Ellawan, donc la plus récente, était sans danger pour la santé et que la Norlevo, non. Et en fait, ce n'est pas le cas. Les deux sont, disons, inoffensifs pour la santé. Mais c'est normal que tu aies eu aussi ce commentaire, parce que c'est un argument qui est massivement utilisé pour essayer de contrer un peu cet usage de contraception. Oui, voilà, l'industrie pharmaceutique a pris possession de ma bouche. C'est ça. Et puis ce qu'on n'a aussi pas dit en fait, c'est que la Ellawan, et là du coup une différence avec la plus ancienne Norlevo, la Ellawan, elle peut être prise jusqu'à 5 jours après un rapport non protégé, alors que le Norlevo, c'est que dans les 72 heures. Donc ça, c'est quand même important. Voilà. Et du coup, vous pouvez vous rendre, si vous avez des questions plus précises, dans les centres de planning familiaux dans les différents cantons en Suisse. Et puis autrement, on a mis un document sur le site qui reprend vraiment toutes les différences entre ces deux modes de contraception. Ouais, dans le post-pod. Dans le post-pod, ouais. Yes. Mais du coup, ouais, aussi, en fait, c'est des amis ou des connaissances ou des auditrices et auditeurs du pod qui nous ont fait ces remarques. Donc, les remercier pour ces précisions. Tout à fait, une écoute attentive. Merci, merci. Bon, et puis moi, je voulais un peu revenir sur Wonder Woman parce que je n'ai pas fini de m'agacer avec ce choix de l'ONU de l'avoir choisi pour incarner la cause des femmes dans le monde. Et puis parce que vraiment, je trouve que c'est une incarnation des valeurs que cette ONU finalement défend, et puis qui illustre le fait qu'ils aient choisi, parce que c'était bien une élection, ce secrétaire général opposé au droit à l'avortement. Donc ce choix de Wonder Woman, même s'il y avait une pétition, j'ai appris, de 350 employés de l'ONU qui avaient demandé à Ban Ki-moon de renoncer à cette idée. Ouais, attends, juste dire que Wonder Woman, du coup, elle a été nommée ambassadrice pour les femmes par l'ONU. Voilà. Et en fait, c'est drôle parce que donc il y a quand même des voix qui s'élèvent contre ce choix, donc à l'interne de l'ONU et à l'extérieur. Et en fait, il y avait déjà eu une première polémique dans les années 70 parce qu'elle avait été choisie pour la couverture de la première publication du magazine féministe américain Miss en 1972. Et puis déjà à l'époque, en fait, on voyait les différentes positions féministes qui se combattaient à ce sujet. Parce que pour certaines, c'était vraiment l'icône d'une version libérale du féminisme. Et puis pour les féministes radicales, donc, qui voulaient plus des changements de société dans ces structures, c'était une vraie catastrophe, quoi. Parce que justement, elle est une sorte d'emphase de l'individualisme. Et puis avec seuls ces super pouvoirs pour gagner la victoire. Et du coup, qu'est-ce que ça offre comme perspective d'égalité, d'égal accès aux droits pour toutes les filles et femmes du monde qui est censée défendre l'ONU? Et puis du coup, en fait, je me suis rendu compte, je suis allée revoir des images de cette... Parce que c'était une série dans les années 70 qui passait à la télé et que moi, je regardais. Et puis, en fait, j'ai gardé un souvenir d'une certaine fascination pour ce personnage. Ouais. Je suis allée revoir des images et c'est une catastrophe, quoi, parce qu'elle ne parle quasiment pas. Ouais. Alors, c'est un être dénué de parole. Quand elle court, on dirait qu'elle fait des sortes d'entrechats comme ça, de danseuse, tu vois. Et puis bon, t'as vu son costume, quoi. Mm-hmm. Ce bustier où il y a ses seins qui menacent de sortir à toutes les deux secondes, cette culotte hyper échancrée, les bottes à talons. en fait, voilà, c'est un pur fantasme masculin. Et puis, bah, du coup, on pourra en reparler dans un prochain podcast, mais c'est l'exemple parfait du male gaze, donc cette façon, cette caméra masculine sur le corps des femmes. Ouais. Ouais, puis après, mais, Ouais, dis-moi. Y a aussi le fait que, voilà, elle est blanche, elle a, comme tu dis, ses mensurations impossibles. Et puis aussi, enfin, non seulement elle a une culotte toute courte et tout, mais aussi elle est vêtue des couleurs du drapeau américain. Puis du coup, de nouveau, on a cette culture américaine qui est vraiment posée comme modèle, alors que, enfin, on l'a déjà bien assez, je pense. Oui, et puis le fait que l'ONU prenne un personnage qui est effectivement, comme tu dis, américaine jusqu'au bout de son lasso, bah c'est vraiment comme un hommage à l'interventionnisme américain. Enfin, c'est vraiment assez problématique, quoi. Mm-hmm. Puis, et puis aussi... Ouais. Vas-y. Aussi, je trouve qu'on discutait, toi et moi, du fait de ne pas avoir choisi une personne réelle, parce qu'il y aurait tellement d'histoires de femmes tout court qui pourraient incarner une posture d'ambassadrice. Mm-hmm. Puis, bah, du coup, c'est un personnage de fiction, c'est peut-être plus pratique pour l'ONU, parce que ça ne parle pas, ça ne voyage pas, ça n'intervient pas dans des réunions, ce n'est pas interviewé sur les questions d'égalité. Donc là aussi, petite question qui se pose. Ouais. Ouais, puis après, je trouve, je sais pas du tout quels sont les enjeux, mais c'est quand même DC Entertainment qui a les droits, en fait, sur ce personnage. Donc après, j'imagine qu'ils ont bien des clauses qui disent qu'est-ce qu'elle peut bien dire et qu'est-ce qu'elle ne peut pas dire, tu vois. Enfin, je pense que ça... Tu sais si c'est eux qui sont impliqués aussi dans le blockbuster qui sort l'année prochaine sur l'histoire de Wonder Woman? Bah, j'imagine, vu que c'est eux qui ont le droit du personnage. Ouais. Mais après, ouais, je sais pas plus que ça. Mais... Ouais, en tout cas, à l'ONU, il y a eu et l'actrice qui jouait dans la série des années 70 et l'actrice qui joue dans ce film hollywoodien qui sort l'année prochaine qui était présente. Ouais. Donc il y a vraiment une référence très claire aussi à la version cinématographique. Ouais. Et après aussi, par rapport à ce que tu disais là, donc c'est quand même un personnage qui du coup représente. Qui invite à se débrouiller seul, une sorte de force surhumaine comme ça pour combattre les normes, tout en respectant en fait ces mêmes normes, justement par tu vois, ses mensurations, comment elle est habillée, sa blancheur et tout ça. Et je trouve, voilà, on retrouve là un message schizophrénique en fait qu'on n'arrête pas de donner aux femmes et aux filles que. Il faut toujours se situer sur cette frontière un peu impossible entre ne pas être trop ci ou trop ça. Tout à fait, effectivement, c'est du coup, ça a aucune vraie portée subversive profonde, parce que comme ouais, c'est exactement ça, c'est schizophrénique. Bon, à propos de schizophrénie, ils avaient choisi un autre personnage à l'occasion de la Journée internationale du bonheur, donc les Nations Unies. Oh, wow. C'était Angry Bird. Je trouve hyper drôle de choisir l'oiseau fâché, ouais. Hein, pour symboliser la Journée internationale du bonheur. Ils sont assez drôles finalement au sein de cette tenue. Et ouais. Puis il y avait d'autres personnages qu'ils ont choisis. Il y avait eu Clochette pour l'environnement et puis Winnie l'ourson pour l'amitié. Donc bon, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'autres modèles moins américano-américains, hein, pour une organisation qui prétend être mondiale? ouais, c'est clair. Ouais, puis je trouve vraiment aussi dommage ce truc de prendre, pour revenir à Wonder Woman, de prendre un personnage de fiction et du coup, parce que là, c'est vraiment une occasion en fait de mettre quelqu'un comme un modèle intéressant. Oui. Ouais. Mais décidément, on peut rebondir sur cette notion de modèle avec une autre. Alors là, pour le coup, c'était vraiment américain. Une autre occasion de voir quelle image on choisit pour représenter les choses. C'était donc la plaque qui avait été envoyée dans la sonde spatiale Pioneer, qui a été envoyée une plaque en 1972-73, qui était un message en fait. Hein, que on à l'intention censé... des extraterrestres. C'est assez beau comme ils appellent ça. C'est une bouteille à la mer spatiale, un truc comme ça. C'est presque intergalactique, mouvant. Je sais pas, mais c'est super beau. Mais c'est ouais, pas très beau ce qu'ils ont fait. Mais... Vas-y. En fait, faite dans un matériau qui est censé survivre à tout et plus longtemps que la Terre et le Soleil. Donc, un message vraiment éternel, quoi. J'ai juste un peu... Il y a mon ami de voyage là qui me fait signe. En fait, Angry Birds, c'est finlandais, si jamais. Ah, d'accord. C'était pas américain, alors. D'accord. Bah, c'est bien, on peut se corriger en live. C'est le luxe intégral. Ouais. Mais pour en revenir à cette plaque donc envoyée par dans la sonde Pioneer, donc on a mis sur le site le dessin en fait de l'homme archétypal et de la femme qui sont censés nous représenter toutes et tous. Et en fait, il y a vraiment, c'est hallucinant au niveau des organes génitaux, parce que les organes génitaux de l'homme sont vraiment absolument dessinés, pénis, etc. Et la femme, il y a rien, il y a un vide. Et il semblerait, d'après Liv Strömquist, c'est comme ça qu'on dit ? Liv Strömquist. Strömquist, cette illustratrice qui a écrit une bande dessinée qui s'appelle L'origine du monde et qui m'a mise la puce à l'oreille, elle dit qu'en fait, il y a eu un débat pour représenter au bas du corps de la femme, entre ses cuisses, il y a un petit trait qui aurait figuré la vulve, mais ça a été jugé indécent. Ouais. Donc finalement, on a une représentation d'un homme qui possède plein de choses et d'une femme vide. Mais c'est assez drôle parce que sur la page Wikipédia, c'est écrit « Les organes génitaux de la femme ne sont pas vraiment représentés ». Vraiment, vraiment. Mais ça, je trouve aussi assez drôle que même dans leur... Enfin, il y avait quand même, j'imagine, une sorte d'envie de précision par rapport à l'espèce humaine, tu vois, pour si jamais un extraterrestre tombe là-dessus. Ouais. Et du coup, qu'ils aient pas voulu, même juste pour des questions de comprendre comment fonctionne la reproduction. Il y a un chariot qui passe. Juste pour des questions de reproduction en fait. Figure-toi qu'ils sont rattrapés, et juste au passage, vous irez voir sur le site cette image, parce qu'en plus, l'homme il est là, il lève la main, il salue, c'est lui qui est l'émissaire, puis il regarde en face, alors que la femme elle fait aucun geste, puis elle regarde un peu dans le vague. Donc bon, il y a aussi plein de messages assez intéressants. Mais du coup, en 77, ils ont envoyé cette fois sous la forme d'un disque. Alors là, il y avait plein de choses, il y avait des sons, de la terre, différentes musiques, différentes images. Et là, pour le coup, il marque bien le côté reproductif. Parce que comme les représentations des années 72-73 avaient été même qualifiées d'obscènes, cette fois ils ont fait deux silhouettes noires qui représentent l'homme et la femme. Et par contre, dans le ventre de la femme, il y a une sorte de contraste noir et blanc où on voit le bébé dans le ventre. Ok. Tu vois, donc là pour le coup, c'est clair que la famille traditionnelle, elle est comme ça et que c'est la femme qui porte ad aeternam un bébé dans son ventre. Et puis, du coup, il y a toute une série d'images qui montrent, par exemple, la mère qui allait son bébé, et après, un père qui s'occupe d'une fille plus grande. Donc, voilà, les mères sont destinées à s'occuper des nouveau-nés dans les soins maternels, et les pères, quand les enfants sont doués de raison. Enfin, ça donne vraiment une image d'un modèle très tradit de la famille, quoi. Ouais, le chariot repasse, apparemment. C'est pour vous, au moins? Il y a des bonnes choses à manger dessus? Non, non, je crois que c'est quelqu'un qui... On est dans un motel, en fait. Ça doit être des gens qui soit s'en vont, soit viennent s'installer. Ah, d'accord, pour porter les bagages, ouais. Ouais. Bon, alors, cette Amérique, comment elle va? Ouais, écoute, tu me prends de court, parce que je voulais dire encore un truc sur les plaques Pioneer. Après, je veux bien parler États-Unis. Mais oui, non, mais je voulais dire aussi que vraiment, un peu cette posture de l'homme qui regarde, comme tu disais, qui regarde droit devant lui et qui fait ce geste de salut, un peu pour dire que si vous allez vous adresser à quelqu'un sur notre chère planète, ça va être aux hommes. Et puis après, il y a juste cette femme un peu, qui en plus a un sort de déhanché un peu timide comme ça à côté. Et comme tu dis, qui regarde dans le vague, je trouvais très, très impressionnant. C'est hallucinant, ouais. C'est vraiment de sens propre, hallucinant comme représentation. Ouais. Ouais, puis je trouve, enfin moi en fait, avant de lire la BD de Strömquist, j'avais jamais pensé à ça, enfin j'avais jamais... ça n'a pas été revisité en fait, ou rediscuté, il me semble. Moi, j'ai trouvé trace de ce deuxième envoi en 77, mais pas depuis. Mais je crois que c'était un peu étrange parce que la personne à qui on a confié la conception de cette plaque, c'était une personne qui vraiment croyait aux extraterrestres, etc. Puis avait presque une volonté un peu poétique comme ça de que les humains disent « Ah, mais c'est génial ce qu'on envoie dans l'espace, ça peut nous permettre de rencontrer d'autres civilisations. Mm-hmm. » Et en fait, c'est sa femme qui a fait le dessin. Oui. Mais t'as vu ça? Mais en 3 semaines, enfin, vraiment, tu te dis, sans prendre le temps d'y réfléchir plus qu'une fois, quoi. Oui, j'ai vu que le temps de réalisation, il était super court. Ouais. Pour un message qui survivra à la Terre et au Soleil, c'est un peu balourd. Alors les États-Unis, oui ça va bien. Bah je peux pas parler des États-Unis en entier, mais donc nous on est en Californie du Nord. On a remonté la côte depuis San Francisco. On a fait quelques arrêts et puis maintenant on est plus à l'intérieur du pays dans une ville industrielle un peu si on peut dire ça qui s'appelle Redding et dès qu'on aura terminé le pod là on va descendre à Sacramento qui est la capitale de la Californie. Et moi je sais qui c'est le on mais tu devrais préciser. Non mais je crois que on va laisser les noms. J'ai pas de. Non c'est pas les noms mais c'est que vous êtes deux nanas sur la route. Ouais, ça c'est sûr, ouais ça c'est vrai. Hein? Puis en fait, c'est notre. Je sais pas si on peut appeler. Justement, je pensais à ça parce que tu m'avais dit, ah, on pourrait un peu parler de ton road trip. Mm-hmm. Et en fait, je suis pas sûre que. Enfin, effectivement, c'est un voyage sur la route, mais en fait, aux États-Unis, il n'y a pas moyen de faire autrement. Vu que la voiture est. Ouais, et ça, justement, je voulais dire que c'est très étrange. Ben, les gens qui ont été dans des villes autres que New York et San Francisco, enfin, bref, des villes où on peut se déplacer à pied. Ils savent que voilà, tout le monde se déplace en voiture et même pour aller tu vois, faire ses courses ou aller au resto ou quoi que ce soit. Et hier, par exemple, on a pu aller au resto depuis le motel à pied, mais il n'y avait que nous dans la rue, nous et les SDF. Tu vois. Et c'est vraiment ouais, c'est une. Bon, on le sait, mais c'est vraiment une culture de la voiture comme ça. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, au bout d'un moment, je finis par me complaire dans ça, en fait, étrangement. Oui. Parce que dans la voiture, on se sent sûr, on peut tout regarder. Enfin, tu vois, il y a tout qui est fait, même un peu pour visiter la nature, on peut tout faire en voiture. Enfin, on peut aller manger sans jamais sortir de la voiture. C'est vraiment tout fait pour ça, quoi. Oui, puis ça change beaucoup le rapport à la ville, à l'espace public, parce que t'es toujours un peu en spectatrice, quoi. Tu es dans ta petite bulle, ouais. Puis tu vois les trucs défiler, c'est ça. Ouais, c'est clair. Après, ce que je trouve toujours. Bon, en fait, nous, c'est notre deuxième voyage, du coup, aux États-Unis, parce qu'il y a une année, on était au Texas. Et pour dire que, du coup, en fait, le Texas, je ne sais pas si tu connais ce proverbe, si on peut dire comme ça, où everything is bigger in Texas. Et en fait, c'est assez vrai, parce que le Texas, c'est très impressionnant, les étendues, les voitures sont immenses, il y a un truc super stéréotypé où voilà, on croise vraiment des gens avec des bottes de cow-boy et puis des chapeaux de cow-boy, et il y a des signes anti-armes, enfin tu vois, genre ici, vous n'avez pas le droit de porter des armes, ou bien sur les panneaux routiers, et il y a des gens qui ont tiré dessus, enfin tu vois, il y a des trous de balles, des choses comme ça. Et du coup, en fait, ici, c'est moins stéréotypé, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a tout un héritage hippie, tu vois. Il y a plein de magasins organiques, il y a des maisons un peu fofolles, comme ça, au bord de la route, avec des drapeaux américains, enfin, des drapeaux américains, du coup, oui, mais aussi des drapeaux tibétains, enfin, tu vois, ce truc assez cliché, en fait. Il y a aussi ce truc que moi, je trouve incroyable, où les Américains, en fait, américaines sont rois et reines du small talk. Et c'est le truc que je déteste. Qui est l'art de parler pour rien dire. Hein. C'est juste de parler, ouais. C'est un peu « How are you doing ?»« Comment ça va ?»« Qu'est-ce que vous faites ?»« Vous venez d'où ?» Et puis en fait, tu sais qu'une fois que tu tournes le dos, tout ça, c'est parti, tu vois. C'est pas du tout dans l'idée de se faire des amis, c'est juste... C'est vraiment une sorte d'institution culturelle, comme ça. Mais du coup, on rigolait avec une amie l'autre jour parce qu'on disait que les small talk étaient thématiquement différents un peu suivant les pays ou autres. Et puis elle disait qu'en Grèce, il y avait une grande discussion small talk, c'était sur comment tu avais fait caca, combien de fois, comment c'était et tout. Et alors qu'en Suisse, c'était plutôt la météo. Alors c'est quoi le small talk américain? Bah, c'est plus un peu... Enfin, californien. C'est vraiment plus un peu comment ça va, puis vu que les gens ils voient tout de suite qu'on n'est pas d'ici, c'est d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous avez visité, ben, ça reste très poli quand même. Et tu poses des questions sur la Suisse ou la Suède ou comme ça? Non, c'est plus, ils posent plus de questions sur comment est-ce qu'on trouve que c'est les États-Unis. Ouais. Et le fait que vous soyez deux filles, c'est relevé ou bien? Non. C'est pas quelque chose qui a été discuté, non. D'accord. Du tout. Et puis, du coup, est-ce que les élections américaines font partie de ces small talks? Alors, je sais pas. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas eu on a rien. Enfin, non. Il n'y a personne qui m'en a parlé pour le moment. Après, dès qu'on allume la télé, évidemment, dans toutes les chambres de motel, il y a une télé. Et dès qu'on l'allume, c'est sûr que sur les chaînes de news, ils ne parlent que de ça, quoi. Parce que qu'est-ce que tu me disais, en Californie, ils ont déjà voté? Oui, ils voteront. Non, ils n'ont pas déjà voté, mais en fait, il y a les inscriptions, si j'ai bien compris, les inscriptions pour pouvoir voter, c'était le 24 octobre, donc lundi. Donc après ça, j'imagine que ceux qui se sont inscrits ou inscrites vont voter, et puis ceux qui ne sont pas inscrits ou inscrites ne voteront pas. C'est trop tard, ouais. Ouais. D'accord. Mais ouais, et... bah du coup là on est vraiment à la toute fin. L'election day c'est donc dans moins de 2 semaines, le 8 novembre, et ils éliront le 45e président des États-Unis qui rentrera en fonction le 20 janvier. Ou présidente, pardon. Oui, ben, en parlant du fait que c'est un président ou une présidente, alors du coup, tu me diras si ça date un peu comme info, parce que tout va très vite. Mais bon, il y avait toutes ces attaques de la part de Trump qui ont été faites sur Hillary Clinton, aussi le fait donc qu'il ait prétendu pouvoir obtenir tout ce qu'il voulait des femmes, etc. Et toutes ces questions-là se rentraient dans chacune des polémiques. Ça m'a un peu interrogé sur le fait de qui, en fait, peut légitimement être en colère. Hein, parce qu'on voit que la colère, c'est instrumentalisé par Trump. Il est un peu tout le temps dans une performance en colère. Mm-hmm. Où lui, il est légitime pour ça. Et puis en fait, ça me rappelait une autre campagne présidentielle, cette fois française, entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal en 2007, où il y avait eu aussi un débat télévisé. Et je sais plus sur quel sujet c'était, mais en fait, Ségolène Royal commençait un peu à être véhémente dans ses propos. Et puis Sarkozy lui demandait de se calmer. Il lui disait « Ah, mais pour être présidente de la République, il faut être calme. » Et puis il lui dit « Vous sortez de vos gonds avec beaucoup de facilité. » Puis elle lui dit « Je ne m'énerve pas, je me révolte. » Donc, revendiquant un droit à être en colère contre des choses. Et puis il lui répond « Ouh, qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé ?» Donc ça, on voit que c'est un enjeu de genre, en fait, assez important. Et puis du coup, en fait, cette colère de Trump, elle est aussi électorale, mm-hmm. Parce qu'en fait, elle fait un peu un écho à la colère de ce qu'on appelle les cols bleus aux États-Unis. Hein, c'est par opposition aux cols blancs, ça correspond à des hommes dans le bas de l'échelle professionnelle. Ouais, qui, puis en fait, là aussi, dis-moi. Des hommes blancs aussi, je pense qu'on parle surtout avec Trump. Voilà, tout à fait. Alors, je devrais préciser effectivement des cols bleus de personnes blanches, d'hommes blancs, qui se sentent lésés dans ce qui leur semble être leur prérogative, hein, donc liées à un statut social que la situation économique leur a fait perdre. Et du coup, quand ils comparent l'intégration socio-professionnelle de leur grand-père, de leur père et la leur, ils ont l'impression que le système se casse la figure et donc, comme d'hab, cherchent des boucs émissaires. Et puis évidemment, les ennemis désignés, c'est les immigrantes et immigrants, les gens de couleur, les femmes libérées. Et puis en fait, ça expliquerait une partie aussi du succès de Trump, qui vient un peu comme ça agiter comme un hochet les supposés droits de ces hommes-là. Mm-hmm. Et que lui, en fait, met en scène, a particulièrement mis en scène sur les femmes, hein. Mmh. En s'octroyant le droit d'interrompre. Je crois qu'il a interrompu trois fois plus que Clinton durant les débats, de critiquer leur physique. Il a même menacé Clinton d'emprisonnement, d'harceler ses femmes sexuellement. Mmh. Donc, ouais, une sorte d'appropriation de la colère, une légitimation de la colère. Ouais. Et puis, qu'il a renvoyé très fort avec cette expression de nasty woman. Nasty, ouais. Ouais, parce que ouais. Ça, justement, c'est dans... Donc, il y a eu pendant les campagnes, là, électorales, donc plusieurs débats télévisés entre d'abord les candidats, plusieurs, et puis entre les deux candidats et candidates pour finir. Et dans le troisième débat, donc c'est des gros débats télévisés... aux États-Unis, il y a Trump qui a traité Hillary de such a nasty woman. Et nasty, ça se traduit par mauvaise, sale, vilaine, dégoûtante. Mm-hmm. Et c'est un moment où en fait elle est en train de répondre à une question sur le healthcare, je crois. Oui, en fait, il a répondu à une pique parce qu'elle évoquait le fait d'augmenter les impôts pour les plus riches et puis elle lui a dit qu'il pourrait toujours essayer d'éviter de les payer. Donc, elle l'a un peu amorcé là-dessus et pouf, lui, ça a été sa réponse. Ouais. Oui, puis c'est ça, il ne s'agit vraiment pas... Enfin, il fait ce que en anglais, on appelle du manterrupting. Donc, il va interrompre, en fait, sans relâche Hillary quand elle avance des arguments. Et il ne s'agit pas du tout, en fait, de contre-arguer, mais en fait de lui faire taire et de ne pas lui laisser l'espace pour parler et avancer ses arguments. Et du coup, aussi, avec cette expression de « nasty woman », il va vraiment renvoyer Hillary à son sexe. Donc, elle ne va plus être un individu, mais elle va vraiment devenir, en fait, dans la bouche de Trump, une sale femme dégoûtante. Et en fait, ce « such a nasty woman » est devenu un hashtag sur Internet et a donné lieu à tout un débat, en fait, sur le traitement sexiste des femmes de pouvoir et à carrière. Ouais, parce qu'en plus, je crois que c'est une expression qui date que les femmes se sont beaucoup reçues dans la figure au long des dernières décennies. Je crois que c'est vraiment une expression qui était beaucoup renvoyée de manière péjorative aux femmes depuis longtemps. Ça sort pas « out of the blue », comme on dit en anglais. Hein. Mm-hmm. Ouais. Ouais, puis c'est vraiment aussi cette idée d'exercer en fait un sexisme ou un sexisme du coup aussi très violent envers les femmes de pouvoir. C'est aussi une façon en fait de dire aux autres femmes de ne pas essayer de sortir du lot en leur montrant que voilà, c'est ça qui va vous attendre, c'est les insultes, l'humiliation, la ouais. violence. Et puis du coup que ce comportement sexiste en fait fonctionne à la fois comme une insulte individuelle envers une personne, mais aussi comme un signal aux autres femmes pour leur dire de ne pas prendre la parole en public. Eh bien, tu vois, là, je rebondis parce que c'est ce que tu décris là, c'est exactement ce qui s'est passé par rapport à son attitude, le fait qu'ils reconnaissent avoir harcelé sexuellement des femmes. Et puis après, il y a eu tout un mouvement de femmes qui ont soit dénoncé des choses qui avaient un rapport avec lui, soit de manière générale, des femmes qui ont commencé à témoigner de leur propre expérience concernant le harcèlement sexuel. Mmh. Et en fait, celles qui ont pris la parole, elles s'en sont pris un peu plein la figure, hein, ouais. Avec Trump qui directement disait « mais de toute façon, celle-là elle est trop moche pour que ce soit vrai, c'est pas une femme, un individu raisonnable, le fait qu'elle parle seulement maintenant ou manipulée par Clinton, etc. » Et puis, par exemple, il y en a une qui s'appelle Jessica Leeds qui s'est fait balancer sur Twitter son téléphone privé et son adresse. Mmh. Avec des messages bien sympathiques qu'elle a reçus aussi. Et puis, ça a été retweeté des centaines de fois. Mm. Donc, dans une sorte de chasse comme ça, hein, autour de ces femmes, pour les décourager à dénoncer, en fait, un homme abuseur. Et encore plus quand c'est quelqu'un auréolé de tout ce pouvoir comme Trump. Hein. Mm-hmm. Oui, et du coup, là, si, ouais, je dis juste ça sur Twitter, il y a un hashtag Why Women Don't Report, où, ouais. Où voilà, c'est une discussion aussi qui s'est ouverte sur quels sont les enjeux à dénoncer ou pas. Mm-hmm. Mais du coup, aussi pour dire que voilà, en fait, le sexisme de Trump, c'est vraiment, a vraiment marqué en fait toute sa campagne. Déjà, il y a une année, donc en août 2015, il y a eu cette histoire avec Megyn Kelly, je ne sais pas comment on dit, où en fait, qui animait donc un débat, un des débats présidentiels, ou du coup de la campagne, et elle avait posé des questions à Trump par rapport à sa posture discriminatoire envers les femmes. Et suite à ce débat, il était tellement énervé, enfin, il était très énervé, et il a dit aux médias, Megyn Kelly, elle avait du sang qui lui sortait des yeux, elle avait du sang qui lui sortait de partout, en se référant du coup au fait que, enfin, tu vois, qu'elle aurait eu ses règles, que parce qu'elle avait ses règles, elle pouvait pas se contrôler, tu vois, ou elle était pas censée. Et en fait, après, il a été, on lui a reproché ça, et puis il a sorti une excuse comme quoi, ce qu'il voulait dire, c'était qu'elle saignait du nez. Enfin, c'est complètement absurde. Mais ça me rappelle, bref. Oui. Mais du coup, et après, 6 mois plus tard, il y a aussi eu cette histoire de cette avocate Elisabeth Beck, qui a témoigné du coup fin 2015, en disant qu'en 2011, enfin en racontant qu'en 2011, lors d'une réunion avec Trump, elle avait demandé une pause pour allaiter sa fille de 3 mois. Et Trump, complètement excédé, lui avait un peu... il avait agité son doigt devant elle en disant « Non, non, tu es dégoûtante, c'est pas possible. » Enfin bref, et mon ami le chariot repasse. Voilà, passe et repasse. Mais du coup, il y a vraiment... Il y a aussi cette chose un peu vraiment du dégoût, en fait, d'exprimer un dégoût pour les femmes qui est très... Enfin, un dégoût pour les femmes qui ne lui conviennent pas, tu vois. Il y a la dernière vidéo des activistes, les Pussy Riot, qui mettent en scène dans leur chanson, dans leur clip, les États-Unis avec Trump au pouvoir. Et puis justement, elle montre une femme à moitié nue qui se fait mesurer, puis elle n'a pas les bonnes mensurations dans une Trump vision des choses. Et donc, voilà, elle se fait maltraiter. Mm-hmm. Mais tu sais, ce qui est aussi drôle, c'est que, en fait, cette histoire de mobilisation sexiste par Trump dans sa campagne, c'est marrant parce que les membres de son parti, ils l'ont soutenu là-dedans presque jusqu'au bout, quoi. Ouais. Puis en fait, ils l'ont lâché au moment où Trump est passé du côté du prédateur sexuel. Ouais. Là, c'était visiblement le pas de trop pour eux. Mais du coup, on peut juste dire ce qui s'est passé. Donc, je ne sais plus quand il est sorti cet enregistrement, mais c'est un enregistrement de 2005, en fait, où on entend Trump, qui avait 59 ans à l'époque, parler vraiment ouvertement d'agression sexuelle avec un animateur qui s'appelle Billy Bush. Donc, où en fait, dans cette. D'abord, c'est vraiment un enregistrement de voix, et puis après, il y a une vidéo qui suit. Mais en fait, il se vante vraiment d'avoir agressé sexuellement des femmes. Et il fait comprendre qu'il se considère comme ayant droit, en fait, sur le corps des femmes. Voilà. Et puis là, du coup, il s'est fait lâcher par les membres de son parti qui le soutenaient encore. Et ce qui est d'une hypocrisie totale, parce que c'est bien tout ce contexte de sexisme qui mobilisait jusqu'alors qui fait que la prédation sexuelle existe. Mmh. Ah, c'est clair. Mais après, je trouve aussi intéressant... donc pourquoi, en fait, est-ce que c'est... Parce que du coup, voilà, je trouve qu'il y a déjà, de par les médias, en fait... Il y a eu un traitement un peu de Trump comme d'abord au début de sa campagne comme étant un peu une grosse blague et puis tout d'un coup, une mauvaise blague plutôt. Et puis tout d'un coup il est devenu, il s'est matérialisé en tant que candidat vraiment. Oui. Et en fait comment vraiment même au sein en fait du parti républicain, cet événement-là, donc ce truc qu'ils appellent le locker room talk ou... Conversation de vestiaire. Voilà. Parce que c'était en fait son excuse, du coup. Ouais. Comment, en fait, à ce moment-là, au sein du Parti républicain, il s'est vraiment déplacé. Il n'était plus, en fait, cet oncle un peu grossier qu'on accueille, tu vois, avec réticence à sa table, ou tu vois, parce qu'il aide la famille, et puis quand il dit un peu des bêtises ou des grossièretés tu vois, des choses ignobles, on va un peu regarder ailleurs avec malaise, tu vois. Et puis tout d'un coup, là, il s'est vraiment matérialisé en tant que vraie menace, tu vois, en tant que prédateur sexuel. Mais du coup, c'est intéressant. Mais... Enfin, genre, pourquoi cet événement-là et pas un autre? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ben, je pense que tout d'un coup, c'est peut-être parce qu'ils ont une loi assez restrictive, je crois, pour ça aux États-Unis, non? Tu peux. Ils n'ont pas des moyens un peu pour se défendre quand il y a des soupçons d'harcèlement sexuel dans le domaine du travail ou comme ça? T'as si, dans le domaine du travail, c'est très strict, ouais. Mais après, moi, j'ai lu un article là, du New York Times, on mettra en lien dans le post-pod, où en fait, ils discutent justement de ça, de pourquoi cet événement en particulier. Et l'auteur, là, il dit aussi que c'est... Tu vois, c'est pas, à ce moment-là, c'est pas en fait une réaction, tu vois, une attaque, ou c'est pas pour, tu vois, pour faire, pour contrer un argument, ou pour éviter de discuter de tel ou tel sujet, c'est vraiment simplement lui qui parle, et il n'y a pas non plus un moyen de dire « ce n'est pas moi » parce qu'on entend que c'est Trump, et on le voit à l'image, et du coup, c'est pas possible de mobiliser en fait cette critique des médias en disant « c'est les médias qui ont comploté ça », parce que c'est vraiment lui qui l'a dit, tu vois. Et quelque part, pendant là, plus d'une année, il a vraiment construit une identité politique sur cette position anti-système, anti-média, où il revendique cette possibilité de dire tout ce qu'il pense, tout le temps, et en continuant, en fait, à être aimé, quelque part, par ses supporters. Et là, du coup, vu que ça rentre là-dedans, enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, tout d'un coup, ça peut plus être mis sous le l'ordre du complot, etc. Mm-hmm. C'est un témoignage brut de ce qu'il est dans son intimité, en fait, ouais. Parce que c'est à ça qu'il voulait faire référence. Donc, mm-hmm. En même temps, c'est-à-dire, justement, c'était une conversation entre hommes, dans ma vie privée, qui n'a rien à voir avec mon personnage public, mais mm-hmm. Bon. Et après aussi pour dire qu'il y a eu donc des républicains qui se sont élevés contre Trump suite à ça, mais de manière extrêmement maladroite, en disant par exemple, ce n'est pas possible de parler ainsi de nos filles, de nos femmes, de nos mères, notamment Mitt Romney par exemple a dit ça notamment. D'accord. Mais en tout cas, c'est aussi intéressant de voir comment, de l'autre côté, Clinton, elle a commencé sa campagne pas du tout en tant que femme. Mm-hmm. C'était vraiment un élément qu'elle avait stratégiquement décidé de repousser, parce que pouvant lui fermer des portes et des votes. Et puis tout d'un coup, c'est aussi en symétrie avec cette mobilisation sexiste de Trump qu'elle a vu là comme une plus-value possible. Hein. Ouais. Fait de se revendiquer du coup dans une posture, alors elle n'est pas du tout féministe, elle n'a jamais revendiqué, etc., mais du coup de mettre en avant le fait qu'elle était femme. Tout d'un coup, ça s'est co-construit en fait. Ouais, mais d'ailleurs, je pense que c'était même pas possible pour elle de continuer si elle ne mettait pas ça en avant, parce que lui, il l'a tellement pointé qu'à un moment, elle allait bien devoir trouver une stratégie pour répondre à ça, et étant donné que le fait est qu'elle est femme et qu'elle va être stigmatisée pour ça. Enfin, elle a aussi été obligée de prendre du coup cette posture, je pense. Tout à fait, tout à fait. Et puis bon, de toute manière, elle n'a pas du tout l'unanimité auprès des femmes qui vont voter. Ça, c'est alors au-delà encore des clivages politiques, mais même dans du côté de son camp, j'avais vu un chiffre que quand c'était le duel entre guillemets entre Sanders et elle. Sanders avait obtenu 82% des votes des femmes de moins de 30 ans. Ouais. Donc, vraiment aussi beaucoup cette pensée qu'on pourrait dire un peu intersectionnelle, hein, mm-hmm. Ce qui fait qu'on n'est pas seulement identifié par sa catégorie de sexe. Ou Clinton, elle fait clairement partie de cet establishment qui est tout sauf révolutionnaire, notamment en question de genre. Mm-hmm. Mais après, c'est toujours la même question. C'est est-ce que toute cette vulgarité... qui est devenue publique, est-ce qu'elle donne l'occasion de rediscuter des rapports entre les hommes et les femmes, d'avoir une certaine pédagogie, en fait, hein, relationnelle, Par exemple, on voit justement cette réappropriation du Nasty Woman sur les réseaux sociaux, où c'est devenu un t-shirt, c'est devenu, c'est devenu presque un hymne de dire « oui, bah, je suis aussi capable d'être comme ça s'il le faut ». Donc, c'est toujours une ambiguïté de « est-ce que ça fige la situation sexiste ou si ça, ça permet de la dépasser ?» Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux voir le bien dans le mal? C'est que ça crée quand même le débat, quoi. Oui. Et puis, aussi, j'ai lu un article de cette journaliste Liz Plank. Qui, j'aimerais dire juste que Liz Plank, ou Elisabeth Plank, elle a 28 ans et elle a fait études genre. J'aimerais juste dire... C'est un peu notre preuve de réussite. Bah, du coup, elle a fait une sorte de fausse pub pour un parfum Nasty Woman, hyper drôle aussi, qu'on a mis sur le podcast. Ouais. Et puis elle, en fait, elle va même plus loin. C'est vu ce qui s'est passé avec l'élection d'Obama. C'est de dire, mais finalement... si Clinton est élue, ça pourrait aussi bien être la dernière présidente femme avant bien longtemps. Parce qu'en fait, ben, comme pour Obama, ça a relevé en même temps tellement de mécanismes de discrimination. Et puis, ça risque, si elle est élue, ça risque d'être encore mobilisé longtemps, hein, le fait qu'elle est une femme, etc. Donc, ça risque même d'avoir un effet contraire qui fait que ça bloque la possibilité pour les femmes d'obtenir plus régulièrement ce type de responsabilité, à moins, c'est ce que Liz Plank relevait, qu'elle parle d'un effet Clinton qui pourrait avoir lieu avec son élection, qui serait qu'on puisse assister à une nette augmentation des engagements de femmes à des postes clés. Ouais. Donc du coup, d'avoir en pratique une réelle mixité qui puisse devenir une norme. Ouais. Mais du coup, tu ne pourras pas nous couvrir les élections, parce que tu vas rentrer juste avant, ouais, toi. Ouais, je fuis le territoire, justement. C'est peut-être bien, surtout si on se fie à ce que les Pussy Riot prédisent en cas d'élection de Trump. Bon, donc du coup, vous êtes prêtes, vos valises sont prêtes pour reprendre la route? Ouais, presque. Presque. Ouais. Est-ce que... T'avais encore une petite anecdote croustillante à nous conter? Non. Non, je crois que c'est tout. C'est tout. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite une toute belle route. Merci, Alessandra. Et puis, je pense que cette histoire de la colère, on pourra la reprendre. Oui, à fond. Qui a droit d'être en colère? Ouais, on va parler Roxane Gay. Yeah. Donc du coup, vous gênez pas sur la route, hein. Klaxonnez, insultez, si jamais on se comporte mal avec vous, gueulez un bon coup. Ok, ça marche. dans 2 semaines. Ouais, have a nice trip. Merci, tchuss. Ciao, tchuss. Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour écouter les autres épisodes, rendez-vous sur notre site crépidule.com avec crépidule au pluriel. Vous y trouverez aussi des publications post-pod avec des liens et des infos sur les thématiques abordées. Ciao !